Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Masca. C'est Masca toute la semaine dans Planète Rap. Bonsoir, bienvenue, comment ça va Masca? Ça va comme d'habitude, et toi Fred? Eh bah écoute, en pleine forme, je me suis jamais aussi senti bien habillé. Quel t-shirt, quoi? Une collection fantastique. J'ai le même t-shirt que toi, que c'est facile. Je crois qu'on est en mode yin-yang et toi et moi ce soir, on a changé. Voilà, on est yin-yang mais on est tout en fait. On est un coup yin, un coup yang. Exactement, on est deux yin ce soir. Voilà, le t-shirt. Est-ce que c'est le t-shirt collector d'ailleurs que tu vas filer lors des séances dédicaces? Exactement, le t-shirt que tu portes et que je porte ce soir, c'est le t-shirt qu'on offre à chaque personne, chaque Watsi soldat qui vient avec son CD acheté. Il vient à la séance de dédicace, donc dans tous les zéniths qu'on va faire qui sont présentes sur la tournée. Dans les séances dédicaces, donc je les rappelle, à Watsi Boutique, le Paris 20 octobre, donc ce lundi, à la sortie à 16h à Châtelet. Au Foot Corner d'Épinay le 27 octobre, le centre commercial Lilo à Auchan. Et le Foot Corner du Havre le 28 octobre, le centre commercial Le Grand Cap. Et à la Watsi Boutique de Marseille le 1er novembre. Donc vous venez avec le CD. Et vous repartez avec le t-shirt collector. Vous pouvez mater d'ailleurs sur Skyrock FM ou sur l'appli Skyrock. Allez-y, allez cliquer, allez mater. Magnifique t-shirt. Bon, on se sent comment à 4 jours de la sortie maintenant, Masca? Parce que ça approche, mine de rien, lundi. Ouais. Bah là, le travail de l'album a été fait. Maintenant, on voit que les gens sont derrière l'album. Tous les morceaux qu'on passe chaque soir, ça fait beaucoup de bruit. Les gens apprécient énormément. J'ai beaucoup de bons retours. Donc, je suis de plus en plus rassuré. Et voilà, maintenant, on attend de voir. Et j'en profite là. Il y a un invité de marque qui est dans la place ce soir. Yeah. Vous reconnaissez cette voix au punchline anthologique. Tu ne diras rien. Je ne dirai rien. Pour l'instant, si, présente un petit peu tout le monde, Masca, ceux qui sont là dans le studio ce soir. Donc là, l'invité là dont je parlais, c'est bien sûr Doumams de Section d'Assaut, mon acolyte de nombreuses années, mon frère, mon ami qui est là pour soutenir ce soir. Et qu'on trouve aussi d'ailleurs sur Skyrock avec Black M en ce moment, voilà. Et les Shinsekai. Avec le titre Je ne dirai rien et Je ne dirai Black rien. Le clip qui arrive demain, voilà. À 18h. Demain à 18h, le clip de Je ne dirai rien. Et la Vendetta qui arrive très prochainement en début d'année 2015. Avec Gérochrome. Exactement. À ma droite, il y a l'insolent, issu du célèbre groupe L'Institut. Salut Fred. Du très street. De ce groupe de rap très rue et très dur. IST. Incontrôlable. Voilà. Incontrôlable, insolent, même quand il ne le faut pas. D'ailleurs, il paraît qu'il va y avoir du live ce soir. Il y aura un gros freestyle. Alors, il y aura un live de Profiter de ma life. Et il y aura aussi un gros freestyle où ça va kicker dans tous les sens, tu connais. Hein. Donc ne loupez pas, restez bien avec nous sur Skyrock, c'est le Planète Rap consacré à Masca. Yes. Et pour tous ceux qui n'étaient pas là hier soir, on va se rappeler ce qui s'est passé dans l'émission maintenant. Skyrock remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Passez une bonne soirée, c'est reparti pour un nouveau Planète Rap. Masca est là de retour, je te retrouve. Yes. Après avoir eu un doute sur ton identité, ça y est, c'est le vrai Masca. Je suis redevenu moi. Comment va? Très bien. Les éloges qui résonnent. Ah, petit souci. Skyrock remonte le temps. C'est reparti. C'était hier soir dans Planète Rap. Passez une bonne soirée, c'est reparti pour un nouveau Planète Rap. Masca est là de retour, je te retrouve. Yes. Après avoir eu un doute sur ton identité, ça y est, c'est le vrai Masca. Je suis redevenu moi. Comment va? Très bien. Les éloges qui résonnent. Je suis qu'un homme comme les autres. Planète Rap. Il m'a appelé. Tu es à la maison, coup de fil. Oh, Masca. De Masca, voilà. J'ai répondu. Il m'a dit qu'il avait besoin de moi sur un titre. Il m'a envoyé le titre et c'est quelque chose qui m'a parlé directement. C'est quelque chose que, enfin, en écoutant, j'ai compris que ça correspondrait très bien à ma voix. Donc, je suis passé en studio. On a commencé à travailler sur le titre et ça a donné ce que ça donne. Yes. Relativise. Et ça plaît aux gens. Le morceau est aussi bon. Je tiens à dire quand même parce que sa voix, c'est vraiment, c'est celle que je voyais sur le titre et elle a rapporté quelque chose d'énorme au titre. Donc, voilà, grosse performance de Abou. Vraiment lourd. Sache qu'on ne vit pas mieux dans nos rêves. On adoucira l'eau de mer avec les pieds sur terre. On ne peut marcher dans les airs. Relativise. Et j'éblouirai le soleil. J'endormirai le sommeil avec les pieds sur terre. On ne peut marcher dans les airs. Relativise. Tout le monde. Papa, papa, papa, papa, papa. T'as deux jambes, t'es en pleine forme. Relativise. Tout peut marcher. Tu taffes dur, charbonné, t'as lassé. T'inquiète, ton présent sera ton pour aimer, pas pour haïr. Souvent mon amour propre n'a fait que de me salir. Se plaindre c'est fatigant, un sourire devient intrigant. Soit t'es flic ou soit t'es brigand, mais non c'est pas ça la vie. L'histoire elle est folle un peu parce que lui et moi on était, moi j'étais en maternelle et lui il était en primaire, tu vois. Et ah oui, donc oui, ça remonte à très loin. Ouais, ouais, ouais, ouais, il a changé ses couches, tout. Non, c'est presque ça. C'est presque ça. C'est vrai. Tu es sur un trait qui chuchote, qu'est-ce t'espère. Comment retrouver ses principes, on sait que le reste espère. Viens pas tester, espère, car je reste très ferme. Laisse les stères, je reste très fier. Un blues passe sous épreuve, comment me contenir. Un blues, les miens me soulagent, ces liens me font tenir. Un blues, question de persévérance, espace-temps, desserrer les dents. Ah, c'était une grosse soirée encore hier. Yes. Et ce soir, ça continue avec Maska et une arrivée pendant d'ailleurs ce replay de l'émission d'hier. Il y a Linda Sherazade qui est là, que vous entendez. Exactement. Mais qui n'est pas du tout concentrée sur l'émission. Salut. Ça va, ouais, t'es en train de régler quoi? Ah, je suis en train de régler des comptes là, vite fait. Ah, bon, ça va, Linda? Ouais, ça va. En pleine forme de retour dans le planète rap de Maska. Ah, toujours. Et elle est présente aussi sur Espace-Temps. Yes. Et puis on parlait de la Vendetta et il y a l'autre moitié de la Vendetta qui est arrivée aussi. Et le célèbre J.R. Ochromé qui est la baffe d'ours. Aïe, comment allez-vous? Bonsoir. Et en pleine forme. Bah écoute bien, tranquille. On a un bon album, non? Espace-temps. Ouais, gros, écoute-moi. L'heure du bire est venue. Je crois que l'heure du bire est venue. Moi je vais pas trop bire. En tout cas, j'ai écouté quelques sons dans la tournée. Et ceux-là, ils m'ont mis d'accord. Après, j'attends la surprise à la sortie, je me réserve la petite surprise. Voilà. Tout écouter. C'est tout. Sinon, mais bon, moi j'ai confiance en l'album du frère, je sais très bien qu'il va frapper fort. Eh, hey, on veut le disque d'or. On veut le disque d'or. C'est pour Espace-temps. Tout ce qu'on veut. Dès lundi. Voilà, et en précommande. Voilà. Et je rappelle que chaque jour en plus, quand vous précommandez l'album, il y a un nouveau titre. Exactement. Qui arrive. Exactement. Aujourd'hui, c'est un morceau qui s'appelle Prêt à tout. Ouais. Où je parle un petit peu dans une époque où, ben, c'était l'époque de la section d'assaut, un petit peu avant, un petit peu. Où on était, comment dire, perturbé, attiré, aimanté par la rue, comme beaucoup de gens. Et c'est un caractère, c'est des choses que les gens savent pas vraiment, en fait. Le public de section d'assaut, c'est de la rue, on l'a pas vraiment mis en avant. On l'a beaucoup vécu, on l'a pas beaucoup représenté, dans le sens où on n'a pas vraiment raconté ce qu'on a fait dans la rue. Et là, je raconte un petit peu ce passage de ma vie. Donc pour moi, le ciment de section d'assaut, ce qui fait qu'on est tous des frères, etc., ça a été la rue, la religion et le succès. C'est ça qui a vraiment fait qu'on ait des amis. Ce que vous expliquez d'ailleurs très bien dans le bouquin qui était sorti il y a un an. Exactement. Mais qu'on explique beaucoup moins en interview. Mais moins en interview. Moins au son, c'est moins dans la musique, c'est pas évident. Donc parfois les gens nous disent, oui, vous faites vos carrières solo, qu'est-ce qui se passe, etc. On est tous des frères, comme on le dit dans Yin et Yang. Et ça dépasse, c'était là avant la musique. Il y a d'autres choses qui nous ont soudés, nous rassemblés. Donc Et c'était quelque chose de prévu aussi depuis des années. Ouais, et puis c'est normal aussi d'avoir des respirations. Tous les groupes ont ça aussi un moment, voilà, d'aller respirer un petit peu. Mais après, les gens, comment ils le voient? Section d'assaut, pour eux, c'est des amis autour de la musique. Mais nous, on sait qu'il y a d'autres choses qui nous rallient. Donc forcément, quand il n'y a pas d'album section d'assaut, ils se disent qu'il n'y a plus d'amitié. Mais c'est faux. Et ben, on l'écoutera d'ailleurs Prêt à tout tout à l'heure. Mais là, je pense qu'il est grand temps de débuter avec le morceau qui s'appelle Rien sans les autres. Yes, qui est le nouvel extrait de cet album. Ouais. L'album sort lundi 20 octobre. Espace-temps avec Maska toute la semaine. Yeah. Espace-temps, lundi prochain dans les bacs. Fais le week-end tranquille. Lundi, Inch'Allah, tu vas à la Fnac. Tu pètes ton truc. On voit chez les autres ceux qui se cachent en nous. Oui, c'est un défaut qui nous unit tous. On se sent au-dessus des gens. Sur eux on s'accoude et on tend la main que quand on est dans la boue. T'étais censé faire du genre mais t'as rendu tes parents fous. Espace-temps. Tu parles pas la même langue depuis 5 ans, tu parles en sous. Dès que t'as pété le magot, t'oublies tes potes, tu pars en douce. Mais à quoi sert ton gamos dans un désert ou dans la brousse? Je fais pas de différence, je dépends pas de ce qu'on pense. Quand on perd nos proches, c'est pas nos plaies qu'on pense. Quand on fait du bien, y'a très peu de récompenses. Mais ta morale te suffit, n'hésite pas, recommence. Mes éloges qui résonnent. Je suis qu'un homme. Comme les autres. Rien sans les fautes, rien sans les autres. La peau sur les autres, les biens sont les fautes. On se rejette la faute, les uns sur les autres. Car on refait vos yeux, joignent les vôtres. Car on refait vos yeux, joignent les vôtres. La peur de l'étranger ne rassure pas la France. Non. Elle s'auto-terrorise et n'assume pas sa chance. Okay. Tu m'as donné la force, j'ai pas su la prendre. Le mal est normal, car le bien est étrange. Quand t'as rien mangé, t'envies les gens la dalle au ventre. Solo contre tous, t'es comme un crachat face au vent. La modestie est belle, la jalousie est arrogante. Je vais finir incompris comme un indien qui parle aux plantes. Même les boxeurs défendent des coups, leurs adversaires. Des choses me poussent au cri, mais panique pas, je suis pas d'expert. Rien à dire, l'homme d'espèce, ne parle que par l'espèce. Tu sais mon frère, ce que t'aimes, te brûle quand il s'éteint. Le 20 octobre, je suis qu'un ange dans les bacs, comme les autres. Les humains sans les fautes, rien sans les autres. La peau sur les autres, les biens sur les autres. On se rejette la faute, les uns sur les autres. Car dans le reflet, vos yeux joignent mes défauts. Car dans le reflet, vos yeux joignent mes défauts. On se croit tous meilleurs que les autres et c'est pour ça que personne ne l'est. En Vendetta, réalité, les anges GR ne sont pas à Los Angeles. On agit chacun pour soi, bien qu'on soit rien sans les autres. On aimerait être parfait, je serais pas humain sans mes fautes. L'homme est sociable malgré tout l'ego qu'il a. Les députés s'emballent car y'a le ghetto qui râle. On a plus besoin des autres que de ce béto qui fane. Papa, sans toi la vie n'est qu'un ego qui crame. Les éloges qui résonnent. Je suis qu'un homme comme les autres. Comme les autres. Sans mes fautes, rien sans les autres. La peau sur les autres, les biens sur les vôtres. On se rejette la faute, les uns sur les autres. Car dans le reflet, vos yeux, je vois mes défauts. Car dans le reflet, vos yeux, je vois mes défauts. Lundi dans les bacs, l'espace-temps, n'hésite pas. Car dans le reflet, vos yeux, je vois mes défauts. Car dans le reflet, vos yeux, je vois mes défauts. Espace-temps, espace-temps. Lundi dans les bacs. Rien sans les autres à l'instant sur Skyrock, c'est extrait de l'album de Maska qui sera dans les bacs dès lundi. Ça vous l'aviez écouté celui-ci, messieurs? Ouais, non, ils nous l'avaient fait écouter il y a quelques temps, on était avec DR, avec Dry. Et ils nous l'avaient fait écouter Maska, on était à Sony justement, on était en train de discuter, ils nous l'avaient fait écouter, on avait bien apprécié celui-là, tout ça. Et voilà, moi c'était juste pour dire que je suis vraiment content de notre frère, il est là. Voilà, il a fait son album tout seul, il a pris... Il a fait le taf, il a fait ce qu'il avait à faire et voilà, aujourd'hui il est là, il a un plein d'étra, franchement je suis super content, j'espère vraiment qu'il va avoir son trophée. Et voilà, pour nous, le fait qu'il est là, qu'il a accompli ça, pour nous c'est un truc de ouf. Et on sait exactement par quoi il est passé pour faire cet album. Mmh. Là on est en train de passer par là, c'est très très dur. Mmh. Et voilà, on lui souhaite tout. Vous sera pour 2015 hein, plutôt, Vendetta. On aura l'occasion d'en reparler avec Doumams et JR Chrome. Voilà. On va saluer les derniers qui viennent de débarquer. J'ai vu H de Guerre passer dans le studio. Yes. Le célèbre H de Guerre. À bout de bang, mon gars, soin, souple et doux. Yeah. Cool ou quoi, la famille? Le H de Guerre qui veut jamais se faire cramer, tu vois. Il est toujours au calme. J'ai vu aussi un sac à dos passer derrière Dr. Belize. Un génie incroyable. Le génie Dr. Belize. Ah bah il est là. Prends le micro devant toi quand on t'entend. On sélectionne les prods pour le freestyle de tout à l'heure. Mais ça va barrer. Est-ce pas le temps? Yes. Quoi, vous en tenir? Ok. Ça va bien? Franchement, ça va, cool. En pleine forme? Magnifique. Bon, il y aura du live d'ailleurs, vous ferez le morceau. Profitez de ma life tout à l'heure. Et d'ailleurs, big up à mes fans, page fan. Je devais leur passer un big up, j'avais oublié, ils m'ont rappelé tout à l'heure. Big up à eux et on est ensemble. Voilà. Oui. Et bah voilà, les messages sont passés. On met tout de suite un autre titre peut-être, Maska. Ouais, on va mettre Profiter de ma life, tiens, en l'honneur de Belize. Et en attendant le live, le terrible live qui va arriver tout à l'heure. Ça arrive tout à l'heure avec Dr Belize, le génie parmi les génies. Et Black M bien sûr. Et Black M aussi qui est sur ce morceau. Black M qui passera tout à l'heure aussi chez Difool dans la Radio Libre, à pas louper. Yes. Entre 21h et minuit, Maska, espace-temps, c'est lundi dans les bacs. Génie, tout est l'esprit, tu poursuis. Moi je mets le H, un sonore. Tu te parles. caravane. T'as senti la gova et les bravas. T'es de passage, c'est le bazar. T'as provoqué les passants même en bas âge. On te connaît, t'aimes rigoler. Les personnes aiment te croiser quand t'as trop picolé. Tu vois une équipe, tu veux embrouiller l'un d'eux. Arrêtez mon gars, si on en se verra main d'eux. Est-ce que je dois profiter de ma life? Bien avant que ma vie soit mon gars sûr. C'est comment, t'arrives ou quoi? Soit je m'isole, soit je deviens fou. Tu veux tout, tout de suite. Quand t'es sorti, c'est une course poursuite. Moi je m'épuise. Ouh, je veux pas la baraka, Drake. Je veux mon terrain, on est deux bien barricadés. Demande à Baraka D. Le dream c'est la famille, tout le reste est gâté. Petit, je voulais tout tout de suite. Je voyais les choses en grand, fallait pas que je touche que le smic. Petit, ferme ta bouche, hein. Parler d'argent ici en France c'est tabou, hein. On n'est pas dans le pays d'Obama. Si t'as réussi ta vie on te regarde mal. N'essaie pas de débattre si les gens parlent mal. Bienvenue à Ries, si t'es bien oui, Black M. Profiter de ma life. Bien avant que ma vie s'écoule. Dormir, sortir, que faire de ma naïve. Wesh Coolio. Je m'isole, soit je deviens fou. Tu veux tout tout de suite. Quand t'es sous. Le génie. Dis-moi que faire. Finir à BKO en Maybach, il faut le faire. T'es sorti fin, t'as pas le temps. Deux, trois poteaux qui t'attendent. Un beau mytho pour madame, ça passe. Elle va mettre dans ta. Ah, tu l'as fait celle-là, vous. Bouteille, t'as tapé, refait. En place avec tous tes refrains. Deux jolis métis. Que faire. Mes yeux fatiguent. Je te sers. Vous connaissez les refrains. Fonce jusqu'à demain. Tu crois déchirer, être au-dessus des hommes. Mais t'es déchiré, tu dors sur le sol. Est-ce que l'album est là. L'espace-temps. Lundi dans les bacs. Que faire de ma naïve. Soit je m'isole, soit je deviens fou. Tu veux tout, tout de suite. Quand t'es sauté, c'est une course poursuite. C'est le roi Tibé, un cri. Moi je m'épuise. Qui a sous-estimé loi. Celle de l'mort. Qui t'a surestimé toi. Laisse-moi profiter de ma life avant que tout s'éteigne. De ma life avant que tout s'éteigne. Le morceau. Dang it up. Ça s'appelle Profiter de ma life. Tu peux pas faire semblant, Docteur Bellis, tu veux dire un truc dessus? Vas-y, on t'écoute. Franchement, t'as écouté un peu les sons de l'album depuis le début de la semaine? Hein? Bah oui, j'ai écouté. Il y en a combien des albums comme ça? Très peu. Hein? Varié comme ça, avec autant d'écriture, une bonne écriture comme ça. Tiens, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est vrai qu'il y a des morceaux légers comme celui-ci, puis il y a des d'autres, hein, on en a passé aussi, hein, d'autres un peu plus profonds. Ouais. On mettra d'ailleurs Prête à tout, tout à l'heure aussi, avec une autre couleur aussi musicale. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. On se rejouera Mes peines perdues aussi, un morceau qu'on a interprété avec Linda lundi. On va le rejouer pour que les gens l'écoutent bien. Et bon, on le passera. Il y a un live de prévu aussi tout à l'heure, ne loupez pas. Ouais, avec Profiter de ma life et puis un gros freestyle, tu vois, qu'il y a énormément de monde aujourd'hui. C'est pas pour faire la décoration. C'est que les gens sont chauds ici. Je vois ça. Je rappelle aussi que Masca, c'est séance dédicace dès lundi 20 octobre. Exactement, à la Wattie Boutique à Paris, le 20 octobre à Châtelet. Tu connais la boutique, tu connais le chemin, tu connais le trajet. Au Food Corner d'Épinay, le 27 octobre au centre commercial Ilo. Le Food Corner au Havre, le 28 octobre, le centre commercial Le Grand Cap. Et à la Wattie Boutique à Marseille, le 1er novembre. Venez, si vous venez avec le CD, pardon, on va vous donner un t-shirt collector. Comporte Fred et moi ce soir. Voilà. Voilà, et photo dédicace. T'as oublié de préciser, l'autre t'a aidé avec un petit cœur. Est-ce que je vais mettre des petits cœurs? Je sais pas, si je suis de bonne humeur, je mets des petits cœurs. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'histoire, Julien? Comment? C'est quoi l'histoire? Les petits cœurs. Ah, il y a une histoire de petits cœurs. On a vendu la CD, on lui donne un t-shirt avec un petit cœur sur le t-shirt. Non, c'est mardi, je crois, j'ai dit ça. J'étais un petit peu sous euphorie, je dis pourquoi pas un petit cœur. Ah. Et les frères, en fait, eux, ils sont toujours comme ça, tu vois. Ah, ils retiennent les dossiers à chaque fois. Dès qu'il y a un petit truc, paf! Ils aspirent, toi, tu passes à autre chose, tu vois, t'es là tranquille. Ils ont les boîtes à dossiers, les gars. Bon, non, c'est pas un dossier, tranquille. On est là, on s'amuse. Bon, on aime bien se taquiner comme ça entre nous. On rappelle qu'il y a Jérôme Doumams à l'instant qui prépare aussi leur projet. T'as écouté les premiers de Gondetta? Ouais, j'ai écouté les premiers morceaux. C'est bien, leur image est bien russe, ça kick lourd. Il y a des grosses prods, ils font taf de ouf et on attend le reste qui arrive là. Et c'est pas fini. V comme Vendetta. Donc 2015. Bon, voilà. Là, on est là pour l'instant pour parler du projet du Boug, du frère du poteau Masca. Yes. Donc voilà. Hein. Là, on attend la suite. Ah, c'est tout. Je pensais que t'allais ajouter autre chose. J'attends la suite, j'attends de voir comment se déroule l'émission. Et bah, l'émission se déroule avec aussi un petit jeu pour repartir avec votre CD dédicacé de Masca. Mardi est arrivé un clip. Allez, je ne dis pas avec qui est en featuring, mais vous allez trouver forcément le clip qui est arrivé mardi. On en a parlé dans l'émission. Quel est ce morceau? Vous envoyez par SMS au 41759, 41759, avec le hashtag Masqué sur Skyrock. On l'a vu, le clip, moi je l'ai vu. J'ai eu l'occasion de le voir. Mon manager Axel, d'ailleurs, big up à Axel, grosse dédicace à Axel, qui nous l'a montré l'autre fois. Le clip, franchement, je l'ai vu. Et il m'a laissé scotché sur la chaise. Il est, ouais, proto, je me suis mangé une tétard. Donc si vous avez trouvé. Allez-y, bah, tiens, ça y est, c'est déjà parti pour les bonnes réponses. Vous repartirez peut-être avec votre CD dédicacé de Masqué. Qu'est-ce qu'on met après la pub, Masqué? Donc, on va présenter, voilà, prêt à tout. Donc ça, c'est un morceau, comme je te l'ai dit, où je parle un petit peu de la période où on était beaucoup dans la rue, on a pu faire des conneries ou quoi. Et je dis, quand vous écoutez, que voilà, la morale, c'est quand même d'essayer de sortir de la rue. Et que voilà, même si beaucoup la glorifient, elle a incarcéré plein de frères à nous. Et on a qui sont partis. Donc c'est un sevi dans lequel il faut se détacher si on a la force de le faire. Voilà. Même si on regrette pas les bons moments qu'on y a passé et qu'on sait ce que ça vaut, on sait que c'est une tentation, on est tous un petit peu tentés par ça. Mais mon gars Black M, voilà, donc prêt à tout. De Black M. Prêt à tout, voilà, c'est un morceau original et entraînant que je vous fais écouter tout de suite, qui est disponible en instant grade. Donc là, dès que vous précommandez l'album, vous l'aurez tout de suite si vous le kiffez le morceau. Et vous aurez l'album lundi, bien entendu. Ben oui, JR et Doudou Mam, vous connaissez l'Instagrade? Instagram, on connaît. Je sais pas, hein. moyen, voilà. C'est pas un peu que j'entends ce terme-là. Et ben, en fait, c'est quand je Instagram. En fait, quand tu précommandes l'album, tiens, de Masqué, tu vas cliquer. Ouais. Il y a toute une liste de titres déjà disponibles. Donc il y a évidemment Profiter de ma life. Et chaque jour il y a un nouveau titre qui arrive. Hop, directement. D'accord. Par exemple aujourd'hui c'est Prêt à tout. Exactement. Okay. On dormira moins bête. À méditer aussi pour Vendetta, peut-être le projet qui sera en Instagram. Ouais, peut-être, ouais. Tout compris. Bon, ouais. Pourquoi pas. Et bah bougez pas dans un instant. On revient avec Masqué et le morceau à découvrir, Prêt à tout. Et le hashtag c'est Masqué sur Skyrock. You're listening to Skyrock. Comme toi, Masqué a choisi Planet Rap. Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Et Masqué là tous les soirs entre 20 et 21 avec son album Espace-temps sur Skyrock. Allez-y. Est-ce que Fred, je veux faire juste une petite parenthèse, vas-y, dédicace. Vas-y, voilà, je voulais faire une dédicace à Nokové qui est au placard là, qui a été incarcéré il y a quelques temps. Voilà, grosse pensée à lui, et grosse pensée à John Kunda, et grosse pensée à mon gars Coco, mon gars sûr. Voilà, garde la pêche, mon pote, je sais que tu m'écoutes, garde la pêche, mon gars. Bah, c'est peut-être un morceau qui va toucher tout le monde, justement, un morceau qui s'appelle Prêt à tout. Yes. Qu'on va découvrir maintenant, extrait de l'album Espace-temps. Et puis c'est le morceau que vous avez quand vous précommandez tout de suite l'album. Exactement. Vous le recevez aussi. Aujourd'hui même, vous avez ça dans votre iPod, iPhone, etc. Allez, on l'écoute, Masqué sur Skyrock, vos réactions avec le hashtag, allez-y. J'étais prêt à tout pour te plaire. T'as fait de ma vie un enfer. J'étais prêt à tout pour te plaire. T'as brisé mon cœur à long terme. J'étais prêt à tout, oui. J'étais prêt à mourir. J'étais prêt à tout. J'étais prêt à tout. J'étais prêt à tout, oui. J'étais prêt à mourir. J'étais prêt à tout. J'étais prêt à tout. Bête de sap, je rêve de frappe. Petit blanc stylé, ne me teste pas. Je reste dans le parc, je reste dans le bat. Je deal en vitesse et puis je pète mon spar. L'argent me fait mal, je ne en fais pas. Un billet de 500 ne se déchire pas. Sang bouillant, même dans le froid. Gauche, droite, gauche et je pète ton foie. Je vends de l'extra, je suis pas très stable. Je pèserai plus lourd, peu importe ton poids. Le canon de l'ennemi forme un zéro. Si je reste en vie, j'en aurai sur mes chèques. Les accros défilent sous trac sous zéro. Qui font d'un empire s'écroule sous ses déchets. Un proche est mort, on vit l'enfer. Paix à son âme, on part. J'étais prêt à tout pour te plaire. T'as fait de ma vie un enfer. J'étais prêt à tout pour te plaire. T'as brisé mon cœur à long terme. J'étais prêt à tout, oui. J'étais prêt à mourir. J'étais prêt à tout. J'étais prêt à tout. J'étais prêt à tout, oui. J'étais prêt à mourir. J'étais prêt à tout. J'étais prêt à tout. Graines de star plantées dans le bitume. Sans études avec nos petits tubes. Comment marcher droit quand tout le monde titube. Un flash, un slash, on fait du son qui tue. Si on crache par terre, c'est qu'on maudit la rue. Aussi vieille qu'elle est, elle est trop immature. On a patienté dans la rue, semblé star dans la street, à côté de manga games. Tous ces putains d'artistes ne savent pas chanter. Tu l'as pas envie, tu devras sembler. On va péter le million sans marchander. Ouais, c'est ce qu'on disait dans nos assemblées. On attend dans la haine, on marche en bande. On arrache ton portable, faut décamper. La rue a soifé, je bois sa santé. Quand j'étais affamé, elle donnait pas à manger. J'étais prêt à tout pour te plaire. T'as fait de ma vie un enfer. J'étais prêt à tout pour te plaire. T'as brisé mon cœur à long terme. J'étais prêt à tout, oui. J'étais prêt à mourir. J'étais prêt à tout. J'étais prêt à tout. J'étais prêt à tout, oui. J'étais prêt à mourir. J'étais prêt à tout. J'étais prêt à tout. Une embrouille, une équipe. On va dans leur quartier, on les baise, on se barre. On cherche les filles, fuit les flics. Pour s'amuser en boîte, on ne plaisante pas. Sale babou, si j'entends ça. Je descends dans ta tête, tête à tête, on se bat. Je suis pas fou, je suis respectable. Si tu m'as porté, je te laisse pas en bas. IDR, sors de la street. Pensez toi et moi qu'elle est pas fantastique. Le H de guerre, enterre cette lettre. Je veux te voir en paix, épanoui dans ta vie. À tous mes frères, stop le terre. Pensez que le shit est un sale antagique. La street est dure, elle n'a pas de cœur. Stérile et glaciale comme l'Antarctique. J'étais prêt à tout pour te plaire. T'as fait de ma vie un enfer. J'étais prêt à tout pour te plaire. T'as brisé mon cœur à long terme. J'étais prêt à tout, j'étais prêt à mourir. J'étais prêt à tout, j'étais prêt à tout. Espace-temps, j'étais prêt à tout, j'étais prêt à mourir. Le 20 octobre, lundi dans les bacs. J'étais prêt à tout, j'étais prêt à tout pour te plaire. À l'instant, c'est extrait de l'album Espace-temps. Prêt à tout pour te plaire. Prêt à tout. Yes, ce soir c'est dissipé, hein, ce soir. Ce soir, il y a, là, en l'espace de 2 minutes, ah ouais, là, y a une boule d'eau qui arrive. Il y a mon gars sur DRY qui est dans les studios. Ce soir, ça pue la Kaira. Je peux dire, gros. Le célèbre. Monsieur l'amiral est là. Bonsoir, Fred. Comment va? Ça va. Il fait chaud dans le studio. Ah, il fait chaud, il y a du monde, hein. Il y a du monde, salut Linda, c'est la seule à qui j'ai pas dit bonjour. Voilà, l'album Espace-temps qui arrive lundi. Ça fait plaisir que tout le monde vienne soutenir le frère, c'est très important. Parce que c'est un gros album qui se prépare, qui arrive. Soyez prêts les Macs. Et le morceau Prêt à tout, il est dispo dès maintenant si on achète l'album, si on précommande. Exactement. Vous le récupérez tout de suite. Disponible. Celui que vous venez d'entendre est disponible. Il y a également aussi, méga sûr, l'équipe de Nouvelle École qui est arrivée là ce soir. J'ai vu Steve. Esprit Noir. Esprit Noir, my man. Des galères. Ça va? Ouais, bah ouais, tranquille. Bien. Ouais, venez soutenir Masca, soutenir plutôt, jusqu'à j'en perds mon français. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Ouais, donc voilà, l'album Espace-temps. Masca, c'est comment? Ça va, mon frère. On a vu les trucs, les dingueries du Yin et Yang, c'était mardi, c'est ça? Ouais, si, on te voit accroupi, t'es comme masse devant la caméra. Les mecs gang dans le clip. C'est des hommes au concept. Et franchement, ça fait plaisir, hein, depuis toi qui prépare l'album. Ça fait combien de temps que tu prépares l'album? 3 ans. 3 ans, mon frère. Ça fait super longtemps. T'avais fait beaucoup de sons. Ouais, toi t'en as écouté beaucoup, Esprit Noir, on se connaît bien. Et je suis passé, je lui ai écouté les morceaux de l'album, donc il est bien au courant de ce qui se passe. Donc on a écouté beaucoup de morceaux. Et franchement, c'est un très bon album. Un très bon album de rap français, comme il y en a peu en ce moment. Donc Esprit Noir avec nous, il y a Steve Fresh qui est là aussi juste derrière. Il est quelque part par là. Juste derrière. Ça va? Ça va tranquille, et vous? En pleine forme? Ouais, ça va, Mdoula, tranquille. Bah écoute, bienvenue, installe-toi. Hein. Merci, hein. Et j'ai écouté les extraits là de l'album Amaska, violent. Même les hors-série aussi, je les avais vraiment kiffé, tu vois. Ok. Et donc on attend l'album. Merci, mon frère. Et bah c'est lundi, dans les bacs, le 20 octobre. Yes. Juste avant de mettre le morceau, on a promis avec Linda dans quelques minutes qui s'appelle Mes peines perdues. Il y a Microtest de Vitrol par téléphone. Salut, Microtest. Ouais, on est là, l'équipe, ça va ou quoi? Ça va et toi? Attends, mon gars, tranquille. Ça va, on est tranquille, on est posé, on est là. Hein. Et bon, on va t'écouter rapper maintenant, c'est à 1:30 pour te défoncer, Microtest, c'est parti. Parti, on est là, session freestyle. Par téléphone. Ok, c'est plus la même, par téléphone. Ok, c'est Gizmo, les gars. Je connais pas ou quoi? Ah non, j'ai que les paroles. 1, 1, 1. Les gothiques sont les rageux, des rimes des temps, c'est pas du camp, des bombes, des poils, mon rap, des cordes, on chope des cloques, et puis le bloc. Rapata, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Maintenant, c'est ton retour, mon rap encore. Dans mon rap, je te mets d'accord. À la force, on les MC, te fais pas de bruit. Le bise, tu recules, si la balle, t'avais des vitrons. Des grossesses en tête, la piste, ça te fait serrer, c'est fantastique. Mettant la corde, je débite, de plus en plus vite. Vite, baby, de sauver, je suis pas laisse ma hité. Elle ne peut jamais poser. La question, je suis nouveau-né, la galère propre, se propose. Pas à casse, c'est mise en bulle. Les contours tournent en filature, et vrai, c'est ne suffit plus. Un homme, la cune, je suis dans ma bulle. C'est qui tu vois, si ma bulle, dans la bouille. Personne me guide et lunatique, le sentiment de la race de mon torture, la vie, c'est putain de la virène où mon âme s'est perdue. Un sentiment, je prends du recul, je fais le point, j'ai mes calculs. C'est net, donc à l'appel, mauvaise posture, voici ma plume. Et les sondes d'un ange déchu, dans la grâce, on vit le bitume. Une habitude, il perpétue, ma capote, j'ai trop têtu. Lève le point, écrit fortune, entends la rue, c'est moi capture. Je devant, c'est graveux qui prend pour rien, mange le bitume. Mais pour te dire, c'est pas d'actu, j'évite les crasses et les embûches. Plus la même, et tu l'as su, permets des portes, je l'ai connu en temps de guerre. Faut que j'assume en temps de guerre. J'amène ça là, sans ma voix, c'est dégueulasse. Dans les ruelles, tu me trouveras. Mes instants, c'est perpétuant. Mon odorat est développé. Les profiteurs, je les vois arriver. On parle la cul entre les jambes. Si tu veux pas te faire viser, dégueulasse seront les clashs. Si tu oses dégainer, que mon doigt tombe les cancers. Tu peux vite retomber. Ne joue jamais la poucade. Les balances méritaient pas. Me reste à dans le tu car on est maître de son art. Ok. Allez, un peu plus d'une trompe. Bravo à toi, micro-test en freestyle à l'instant. Allez, petit dédicace, vite fait. Vas-y, on t'écoute, Allez, c'est une petite dédicace à Pio, à la famille de JR, les Flamands, Marseille, mon pote, Marseille, Orange, le maxi mélancolique PNE, qui arrive dans la triple le 24 octobre, on n'oublie pas, tous les frérots qui m'entourent, et ma page Facebook, micro-test officiel, je répète, micro-test officiel, on est là, c'est plus la même, les gars. Merci à toi, micro-test à l'instant. Les gars, c'est officiel. Merci à toi, micro-test de Vitrol. Avant de passer au live, on met le morceau avec Linda. Parce que je crois qu'il y a un gros live de prévu. Petite virgule, le Zénith de Paris, il est le 4 décembre. 4 décembre, Black donc, M. Avec Black M et toute la famille Watibé. C'est là, venez, prenez vos places. Il reste encore des places. Presque toute la tournée est complète. Il y a juste le Zénith de Paris où il manque encore quelques places. Donc courez, prenez vos places. Voilà. À mon avis, ça va aller très vite, hein. 4 décembre. Voilà. Yes. Dépêchez-vous de les prendre maintenant. On écoute le morceau Mes peines perdues. Yes, et après on attaque le live, c'est parti. Ok, sur okay. Ok. Plus la force de crier, j'ai même mis un genou à terre. Quand je reçois de sales nouvelles, je parle même plus, je coule la tête. Wesh les frères, stopper la tôle, ces allers-retours depuis 16 piges. Voilà la vie que nos mères nous donnent, faut les rendre fiers car elles s'épuisent. Quand je rêvais du succès, je pensais franchement que c'était plus beau. Paraît que j'étais un mec en or, même si dans ce temps j'étais plus pauvre. L'amitié coûte-t-elle si cher? Je sais pas, je sais plus. J'ai perdu tout, mes repères, vu que même les lâches m'éduquent. Pour méga brave comme cher Mbaye, ma mère se rappelle de ce que t'as F. Pour mon frère, c'est rien pour toi. Pour être un homme, suffit d'un geste. Mais le quartier, faut délaisser. On peut plus traîner comme avant. Ça fait même pas d'argent. T'es dans les ténèbres, dans la blanche. Pour la répute, je pouvais mourir. Pas tout fou qui aimait souffrir. Chercher personne car on me trouvait. Je restais fier, mais m'éprouver. Pardonne-moi maman pour toutes mes plaies que t'as soignées. Les larmes que t'as versées n'ont jamais cessé de m'assoiffer. Mes peines s'éloignaient pas de moi, même si je pleurais, même si je criais. Mes souvenirs me font du mal, quand mes larmes coulent, je peux qu'essuyer. Mon passé m'obsède, j'ai vécu trop de peine. Ma vie m'a changé, pourtant j'avance sans haine. J'ai tenté de changer de cœur. Ma cousine que j'ai revue complètement détruite à l'héros. Je sais pas où t'es à l'heure qu'il est, je peux même pas dire où tu rôdes. Sûrement dans cette caravane sale, maudite et calme. J'aurais canné ce camé qui te servait d'amant car il te frappait. Vous vous faites du mal, mais pour la cam, vous ne vous quittez pas. Je t'ai vu gratter tes veines, au fond ça me bousille grave. Grand frère, je te respecte d'avoir pu retourner au village. Cette ville en tant que vend des mirages qui peuvent te blanchir du cirage. T'es nerveux, c'est inné, t'as un cœur pur, je le sais. Mais pourquoi tous ces conflits, on sait qu'il suffit de s'aimer. T'étais violent, mais tu m'aimais. J'ai pas de rancune, tu m'as formé. Masca n'a jamais peur des coups, si tu me crois pas, va t'informer. Maman, t'es partie de la maison, je te comprends. Je te trouverai mille excuses, je sais bien tout ce que t'as fait pour nous. Mes enfants, si je suis loin de vous, n'oubliez pas qu'on a le même sang. Prenez soin de votre maman, je me sors de vape, c'est incessant. Mes peines s'éloignaient pas de moi, même si je pleurais, même si je criais. Mes souvenirs me font du mal, quand mes larmes coulent, je peux qu'essuyer. Mon passé m'obsède, j'ai vécu trop de peine. Ma vie m'a changé, pourtant j'avance sans haine. J'ai tenté de changer de cœur. Natacha, t'étais ma grande amie quand j'étais tout petit. Pourquoi ton père t'a tué? Ça je l'ai toujours pas compris. M'a mis le pilier de la famille. Plus rien n'est pareil, sans cette femme forte, je suis un homme faible, désarmé dans l'arène. Une pensée pour chaque amour, t'es mort le jour où mon fils est né. Depuis j'attends avant de sourire qu'une nouvelle vienne pas m'attrister. Fatima alcoolisée, au quartier toute la journée. Tu rigolais, tu pleurais, sans un sou ton cœur s'ouvrait à n'importe qui, y compris tes assassins. Oh, ces hommes, ces chiens, ces lâches qui t'ont tabassé à 20 ans. Transformer 9 PC, de voir David partir. Injustement, je suis juste témoin du mal quand le quartier chavire. Ceux qu'on aime sont en nous, quand ils partent, ça rend fou. Aidez-moi, retenez-moi, je suis faible, je pars en couille. Quand le diable vêtu d'une robe t'enlèvera ton poids, tu comprendras qu'une belle femme peut faire du mal avec ses formes. Manger le cerveau avec sa chute, l'image est gore. Mais tellement vrai, je ferai plus d'efforts pour mettre mes potes face à leur temps. J'ai déjà les miens qui rongent mon corps, mes peines perdues se contentent de se balader dans ma queue, elles doivent sortir pour ça qu'on chante. Mes peines s'éloignaient pas de moi, même si je pleurais, même si je criais. Mes souvenirs me font du mal, quand mes larmes coulent, je peux qu'essuyer. Espace-temps, le 20 octobre, dans les bacs, venez, vendredi, lundi à la sortie. Wati Boutique, 29 rue de la Ferronnerie, Ligo. La talentueuse Linda. Voilà. Avec nous ce soir aussi Linda. Qui va sortir son projet courant 2015, qui est très, 2015. Très très lourd. Voilà, on le rappelle. On a écouté vraiment, il y a vraiment de très très gros morceaux. C'est un album énorme qu'elle est en train de vous préparer. Donc suivez de près les actualités de Linda. Masqué, il y a beaucoup de monde. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de kicker. Yeah! C'est donc l'heure du live dans Planète Rap. On va commencer par profiter de ma live. Une minute, Black M se prépare également. On va filmer le live. Ok, mon gars conceptuel. Un gars toujours dans le concept. Un gars stylé, un gars beau gosse, un gars conceptuel. C'est parti, Black man. M, man. Allez, on y va en live maintenant dans l'émission. C'est parti, Masca sur Skyrock. Yeah. L'album arrive. Lundi dans les packs. DJ Kemar balance donc cette prod. Profitez de ma life. Balance ce truc. Que Dr. Bellis puisse faire ce refrain de fouleg. Que Génie puisse exercer son talent. 1. On y va. 20 octobre dans les packs. C'est bon pour Kemar. 20 octobre. Ah, j'ai l'impression que ça écoute encore au casque. C'est bon, Kemar. Allez, c'est parti. Yeah, yeah, yeah, yeah. On y va en live maintenant dans l'émission. Intemporel, Neka. Espace-temps. Yeah. Espace-temps, le 20 octobre dans les bacs, lundi, yeah. Man. Yeah. Yeah. Le clip est disponible. Dédicace à nous. Ok, ok. Profitez de ma live, bon. Docteur Belize. Est-ce que je dois profiter de ma live? Bien avant que ma vie s'écoule. Mieux sortir que faire de ma live. Soit je m'isole, soit je deviens fou. Tu veux tout, tout de suite. Belize. Quand t'es soutien, c'est une course poursuite. Le vent top dans les bacs. Wesh Gava, tu te pavanes. T'as sorti la gova et les bravas. T'es de passage, c'est le bazar. Ça a provoqué les passants même en bas âge. On te connaît, t'aimes rigoler. Les personnes aiment te croiser quand t'as ton picolé. Tu vois une équipe, tu veux embrouiller l'un d'eux. Arrêtez mon gars, sur mon verre. Est-ce que je dois profiter de ma life? Rien avant que ma vie s'écoule. Paris, sortir que faire de ma naïve. Soit je m'isole, soit je deviens fou. Tout, tout de suite. Quand t'es soutil, c'est une course poursuite. Moi je m'épuise. Je vais pas à la baraka Drake, yeah. Je vais monter un au blade bien barricadé, yeah. Demande à barricadé. Le dream c'est la famille. Tout le reste est gâté. Si je voulais tout tout de suite. Je voyais les choses en grand valet, quoi que je touche le smic. Petit, hey, ferme ta gueule. Parler d'argent ici en France, c'est à vous. On n'est pas dans le pays d'Obama. Si t'as réussi ta vie, on te regarde mal. N'essaie pas de débattre ici, les gens parlent mal. Bienvenue à ici, t'es bien banal. Est-ce que je dois profiter de ma life? Bien avant que ma vie s'écoule. Je ne sentir que faire de ma naïve. Soit je m'isole, soit je deviens fou. Mais quel je veux tout tout de suite. Espace-temps. C'est une course poursuite. Moi je m'y. De meuf, de tes baffes, que faire? Dis-moi que faire? Finir à BKO, au Maybach, il faut le faire! Il faut le faire! T'es sorti que t'as pas le temps! Deux, trois potos qui t'attendent! Un vomito pour madame, ça passe, elle va mis dans sa table! En boîte à dos avec tes refaits! Bouteille à ta place, tes refaits! De jolies métisses! Que faire? Mes yeux fatigués, je te sers! Vous connaissez les refrains! Foncez jusqu'à demain! Déchirer, être au-dessus des hommes. J'étais déchiré, tu danses sur le sol. Est-ce que je dois profiter de ma life? Yeah. Avant que ma vie s'écoule. Laisse pas sentir que faire de ma life. Yeah. Soit je m'isole, soit je deviens fou. Tu veux tout, tout de suite. Yeah. Yeah. Quand t'es soutien, quand t'es soutien, tu cours poursuivre. Moi je m'éclaire, à sous-estimer. yeah. Pour de talent NBA, yeah. Comme la NBA, feeling NBA. Laisse-moi profiter de ma life avant que tout se taise. Quelle mélodie, man. De ma life avant que tout se taise. Laisse-moi profiter de ma life avant que tout se taise. Extrait d'espace-temps. Tiens, le vent-top dans les bacs, motherfucker. Dans les bacs. Et maintenant, ça redevient tout de suite beaucoup plus gang. Oh putain, bordel de merde. Oh putain, de bordel de merde. Masca. Masca, le vent-top. Parle-moi. Dans les bacs, dans les bacs. Trop d'haleine quand tu coupes le trou. Trop balèze quand tu coupes le cou. Mes ennemis d'avant courent toujours. T'as du talent, tu t'en fous du fou. Tu préfères faire des sous, t'es fou. Tu regretteras si t'es sous écrou. J'kick sa salle, donc poussez-vous. Plus d'éther que toute la relève. Tu ne touches, me relève. T'es mon élève. J'suis dans les airs, t'es en dessous de la foule. J'suis le bac de fou qui vous pousse à bout. J'me bats toujours couvert de boue. La nuit, j'me tape avec des joues. J'fais ma salade si tu me trouves à joue. Trop de tazak mis bout à bout. Tu tournes en roue comme le houla roue. Comme le moulin roue, quand t'as fou jaloux. C'est que tout d'un coup y'a des miennes qui passent. Un peu la même mais la pâtissage. L'aime si m'en dira pas le visage. Tout vos semences sont abominables. Vous me négligez dans l'anonymat. En crête dans ta caisse y'a l'album qui passe. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Ok d'accord j'suis schizo. J'me sens utile comme Wizon. C'est inutile qu'on me raisonne. Les hommes sont crététiques comme les gosses. L'armée maudite qui déborde. Les présidents dans les pommes. Leurs militaires qui déconnent. Des gangs là les familles qu'on déloge. T'es dégoûté par l'école. Nous sommes nourris comme des porcs. Avec des poulets de l'époque. Top bodybuildé comme mes potes. Plus de rage que ta tête. Dis pas pourquoi moi je suis né comme As. L'injustice dans ma tête. C'est comme dans le sens avec un pyromane. Les flots partent dans tous les sens. Où sont ceux qui avaient mille remarques? Hypocrite, médisant. Mais où sont attends, donc ces fils de lâche? Une fois de plus que tous tes textes. Attends, attends. Fais du bruit pour Masco. Vendeur dans les bagues. Le blanc. Place à bout de bain. Zoulou. Zoulou. Zoulou. En live. Enfin. Zoulou. Ah, aujourd'hui un bâtard. Aujourd'hui un bâtard. Tiens. Dadju. On est où? Yeah. 9ème zone. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. On fait pas de quartier, une balle dans la lunette quand on vise mon gava. C'est sur des flaques d'urine ou bien des flaques de sang qu'on glisse mon gava. Un casier des vergers depuis mineur, je sens bien que l'état nous pointe mon gava. Les juges, les procs et même ces bâtards de baveux, c'est que je pointe mon gava. Nous on sort du bloc, on a mangé des pierres mon gava. On en chie des cailloux blancs. Quand on craque mon gava, j'ai vendu de la dos. Je te rends pas, j'ai le mort mon gava. Fuck that shit! Fuck that shit! Je suis dans la mer, mon gava! Tiens, des quatre se terrent, s'y croient mieux, faire qu'ils montent en fit, mon gava! Ici, des corps se terrent, qu'on croise le fer, c'est la street, mon gava! Bouche terre, pas des goules, coudron! Paf, coup de front, coup de pas, coup de bon! Rien de commun ici, pas de coup de main! Pas de coup de cœur ici, que des coups de rein! C'est de peine que j'ai le flow, j'ai la forme, je m'exprime, j'ai le style, j'ai la rime. Je suis marqué par la vie, je décris pas la street que j'écris, je le vis. Pas numéro 1, mais je ferai tout pour. Si t'as pris des ailes, t'inquiète, on coupe court. Coucou. Pas tant perdre des concours. Je pars en guerre comme un Zoulou. Tout le monde, je pars en guerre comme un Zoulou. Sur Sky, sur Sky, je pars en guerre comme un Zoulou. Tout le monde, je pars en guerre comme un Zoulou. Comme un Zoulou, Zoulou, hey, Zoulou, hey, Zoulou, hey, Zoulou, hey, Zoulou, hey, Zoulou, hey, Zoulou, hey, Zoulou, hey. Que Marco place roue. Sami, DJ Marco place roue. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ça, yeah, yeah, yeah, yeah. C'est le premier couplet de mes vidéos promotionnelles qui vont se lancer, qui s'appelle De Bengri. À partir du 24 octobre. Watibé. Rendez-vous le 24 octobre sur Watibé Online. On y va, on continue. Yeah. Aïe aïe aïe, kick ce truc. Yeah. 5-0-9. 20 octobre dans les bacs, toujours 5-0-9. Un saut. 5-0-9. Bigo. Bigo. Ne fais pas la bise, à part ça, rien neuf. Toujours les frigos vides dans mon trône armé. Hier, peu frana, va pas là pour plaire aux filles. Mon rap est mort et toi tu restes en deuil. Le rap est mort et toi tu restes en deuil. 7-5-0-9. 7-5-0-9. 7-5, 2-0-9. Parle-moi un son. Ok. Parle-moi un son. Ok. 7-5. Impatable. Ok. Ah, il m'a pris en traite là. Attends deux secondes. Ok. 7-5. Impatable. Ok. Hey, que marre. Hey, mets ma prod, gros. Ah ouais, cousin. Désolé les gars, on a Skyrock, le 20 octobre dans les bacs. C'est reparti tout de suite avec Insolent, a.k.a. le découpeur, ma gueule, on est ensemble. Arrête de croire que j'ai bugué. Salope. Ok. Yeah. Yeah. Pour moi, t'as rien dans le crâne, t'entends pas une bastos dans la tête. Tu vivras, verras, continue à teaser et faire la fête. Ego, range 3-5-7, je vais les éliminer sans moi un joint de cep. C'est la 9-7, pas la vallée de mal au bas de part. En fait, le malin me sous vous, je suis en train de cep. Quand je rappe, c'est direct, vous êtes tous prêts. Ma Watibé, on pompe et des trucs. Je viens du 9, redoute ma fête. Un putain de glock dans l'oreille, tout est puriste. Je baisserai pas mon froc pour être en playlist. Non, non, gros, tu me cherches, je suis sur playlist. Yeah, yeah. W-A-T-I, on se monte dans la rue, c'est série. Insolent, comme d'hab, hein. Je suis pas tué ensemble, mais vas-y, fais péter le chrono. Ok, qui veut kicker? Ah ouais, bim. Parfait. Accablé par la vie déçue. J'ai pété un câble, me suis connecté. Câblé sur la chaîne de la rue. On génère la ruse. Impossible de scier, cisailler nos maillons. Pour de la maille, on se bouffe. Car y'a que maille qui maille. Faut qu'on bouge avant de tourner. Comme la maillot du monde, je veux être son noyau. Une crotte en noyer. Je viens mouiller le maillot sans me noyer. Mon royaume, un ghetto chrome, le crime sans loyer. Allié au chrome, un gang d'alien. L'écrou, la laine d'Ayenne. On dégaine avec la haine pour des écus. Car elle récolte que ce qu'il sème au bout du col. Un nègre, un sale dégaine. Aigré mon vécu. Mais je m'avoue pas vaincu. Pour sortir de la merde, j'ai mon pécule. Bim bim, un putain de pécule libérable, gros. Libérable, ici aucun nul. La rage, on accumule. Aussi chaud que la canicule, gros. Bim bim. Esprit noir, bim. Tu veux bien nous faire un truc? Ok, yeah, yeah. Esca, espace-temps. Esprit noir, négro. Okay. Octobre dans les bacs. Yeah. Point ce qu'un sec, pas dans ma trace, on se déplace à 7, le 3-5-7, négro passe en 7, que j'en place en 7, pas donc ma sassème, taf de 5 à 7, 4-4-2, ouais, je suis capable de, négro passe la beuh, on les frappe pas deux, sort du ghetto, tour dans les vols de rip, sort de garde à ça, dans ses ondes, se ripart, bloqué dans un bloc, on passe dans l'art comme Disney, on prend comme une tag, mais c'est pas trop Disney, je suis pas trop lycée, pas d'Odyssée, je dribble les frappes comme seul au lycée, ce sont des thugs, des louves, des loups, et des you vois, c'est rare, Jackman, esprit Renoir, yo, MC, tu me vous vois, je veux des sommes en pile high, grand seul comme T.I., entraîné comme un G.I., pick up au clan des T.I. Appelle nous les teigneux, on inflige des peines. Négro sois pas haineux, bouge au son de la haine. C'est temps si j'ai des rixes sa mère, j'peux pas bosser pour un petit salaire. Si déclenche ton je peux le détester en poteau. Préfère toi MC qu'on lui nique sa mère. 7-5 tu sais, piste c'est ce distillant fils, ça discrètement par la window. 2014 d'état d'esprit, tu sais, ça vaut 100 kilos, qu'est pas à gringo. Sur un bitch, un placard, j'attaque à taf. Cousin, mon son vient de taka. Pas de blague, ma cam, mais t'étape pas. Oui, le 7-5 te crève, t'es de sa part. On développe des trucs discrets que tu vois pas. J'attends que de bang, de hache, du garde pas. T'as pas, il t'est de la force de ta part. J'abat MC pas, je ne bague pas. Une patte dans le 4-4, ton 4 gars qui casse, qui craque ou je la casse. Ça caille, ça maille, ça canne, ça canne sur le beat comme un rapace. J'ai des copines, coquines, conquises, conquises. Quand on pine, on chine, ensuite on enfile le smoking. Ok, putain de merde, mais analyse-moi tout ce que je fais et prémédité. Tu n'es qu'une mère, je tire la chasse, même ton odeur ne va plus exister. Je suis déterminé, ne me touche pas. Le mec, toute ma mine est gros. Jamais une chance, toujours une mort. Peut-être demande au boss si mes lyrics te baissent pas. Hein? Demande au boss si mes lyrics te baissent pas. Ouais, je demande au boss si mes lyrics te baissent pas. Hey, demande au boss si mes lyrics te baissent pas. Bâtard, cool au calme, 6 mesures. Rien de méchant, hein? Coup local. C'est toujours le freestyle sur Skyrock, j'ai pris la place de Fred, nous on est ensemble. Espace-temps, le 20 octobre dans les bacs. Yeah. Octobre dans les bacs, allez chercher ça. Vous êtes pas prêts. Oh. Yeah. Ça va commencer, mais ça va. Yeah. English, motherfucker. Poto. Let's get it. Ok. On a notre propre sécurité, donc quoi que les CRS. Hein? Si dans les soirées, il y a du riche et de la CLRS. Il y a un seul heure, un truc de rêve du dernier CLS. Mec, c'est d'être trop déter, mec, il me faut ma Mercedes. Hein? Yes, mec, le coin est urbain, pas rural. Si on se prend des portes, c'est normal que la rue râle. Derrière nos GS, 31 se font les plans. Faut qu'elle se fait crier. Blin, mauvais père pour une balle. Blin, l'argent sale est parfois meilleur que leur salaire. Hein? C'est la compris salée, de la frappe salée. Hein? Et on doit rien à personne à part au fisc. Ils vont encore nous ruiner ce mois si c'est putain de fils. On est là pour faire du bif comme tu n'y t'aimes pas. Je rappe ça, c'est comme ça que t'aimes ou que t'aimes pas. C'est la merde, j'ai pas de papier donc je suis au bout du rouleau. Je veux pas finir comme Coolio, mais le contact tu pars et roule. Jour et nuit, j'enquête avec mes compadres. J'ai que ma mère comme padre, unique, tu ne peux comparer. Ça parle de plan machiavélique après avoir pu le faire. Au coin de la rue, j'ai rodé le civil en pilote vert. Hey, mais passe-toi. Maman m'a dit ça. Maman m'a dit ça, va chercher de quoi vivre. À la seconde, j'étais dehors, tout en esquivant les flics. Ma démarche a changé, négro, j'suis devenu des. Et ceux de mes potes aussi, à cause de goudron dans la bûche. Bam, je les rends ouf dans ma zone. Bam, il est sorti, il allait trop. Petit, fais pas le malin, dis-moi qu'est-ce que tu connais. Je laisse mes affaires entre tes mains pour voir qu'est-ce que tu commets. La rue n'a pas de pitié, négro, tu veux briller. Tes adversaires t'effacent pour un billet. La jalousie te charme, si tu poses, elle va te sucer. La phrase a tellement bien qu'elle pourrait te parler du sucre. Et toi comme un con, tu sors ton Beretta et règle tes affaires. Mais comment faire quand t'as un fer? C'est l'enfer et je m'y plais. Je soigne mes plaies. Mais je suis sûr que les anges nous aident. Aïe aïe aïe. C'était Masca et Passe-temps le session live à l'instant avec Masca et ses invités dans Planète Rap entre 20 et 21. Merci à vous tous pour ce live, pour ce freestyle dans Planète Rap. Prochain rencard avec Mascado, mais avant de se ça, quitter. Ça, c'est les vrais freestyles. Avant de se quitter, on va faire tourner rapidement la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre la tournée des Monts des Sopranos dans toute la France. Salut, Joanny de Clermont, comment ça va? Ça va. Ça va en pleine forme? Ouais, ça va. Tu es prêt à faire tourner la roulette après ce gros freestyle dans l'émission? Ouais, pas de problème. Allez, on y va. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Ah oui, grosse équipe, Joanny. Ouais. T'es où, à la maison? Non, on est dans la rue. Dans la rue à Clermont. Et Joanny qui repart avec ses places pour aller voir Soprano en concert à quoi, Lyon le 31 mars. Ouais, pas de problème. Et bah direction Lyon, merci à toi Joanny. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Vas-y, bah, dédicace Olivier, Alexis, Anthony, Tom, Guillaume et Ben. Et puis tous ceux qu'on connaît. Ok, merci Joanny, merci à Masca, je disais à l'instant pour ce gros live avec tes invités dans Planète Rap. Merci à eux tous. On a eu donc le droit aussi à un couplet, j'ai bien compris, de Abou de Bang, c'est exactement, ça exactement, d'un extrait Zulu, d'une capsule qui va venir le 24 octobre, qui est très très lourde. C'est Abou va arriver cette année très violemment, c'est un artiste avec énormément de talent, il rappe, il chante, il a des mélodies, il dort pas, c'est un travailleur, il combine le talent. Il vient de l'institut. Comportement, voilà, c'est un tueur, voilà. Et ben merci à vous, merci Masca. Ouais, merci, voilà. Je vous rappelle juste, oui, rapidement, quand même, trucs. Évidemment, la sortie lundi. Si vous achetez le CD, vous avez un t-shirt offert, vous avez une photo, une dédicace, si vous venez me voir dans nos zéniths ou aux séances dédicaces à la Wati Boutique de Paris le 20 octobre, au Food Corner d'Épinay, pardon, le 27 octobre, au Food Corner du Havre, le 28 octobre, et à la Wati Boutique de Marseille le 1er novembre, qui a aussi une réalité augmentée, c'est on essaie toujours de donner encore plus dans le CD, c'est-à-dire que tu télécharges l'application réalité augmentée et après. De Wati B. Voilà, de Wati B. Et après, quand tu pointes ton iPhone, sur la pochette, t'as droit à deux vidéos surprises que personne n'a à part ceux qui ont acheté le CD. Donc voilà, et le Zénith de Paris le 4 décembre, on sera tous là-bas. Téléchargez prêt à tout, précommandez l'album, il y a du gros son dedans, vous serez absolument pas déçus. C'est comme une bonne sable, c'est comme tout, quand tu vas acheter ça, tu ne seras pas déçu. C'est de la marque, c'est un truc lourd. Et rendez-vous pour la dernière demain entre 20 et 21 voilà. Sur Skyrock. Grosse dédicace à Linda qui est venue, à Issam, à Mongagra. Et à Black M qu'on va retrouver chez Difool là dans un instant. Et Hamza aussi. Ouais, vas-y. Et Issam, il y a une petite information en fait pour nos gars qui ont des commerces. C'est toujours bien de les soutenir. Le White Dream qui se trouve à Paris 20e réouvre très très prochainement. Yes. Le Dream Food. À Saint-Blaise. Yes. Linda qui pense à tout. Linda qui est. Et le Fantasia aussi, il a une grosse chicha à Porte de Saint-Ouen. Merci à vous tous. À Sagra et à Hamza, Issam, à tout le monde et à ma team aussi et à Masca le 20 octobre dans les bacs, on n'oublie pas. Yes. Merci à vous tous, on va retrouver Difool maintenant. Et toute l'équipe. Et toute l'équipe qui est là aussi. Bon, demain la dernière. Déjà. Demain la dernière. Ça va vite. Faut être là, faut pas louper. Espace-temps qui passe vite. Et puis lundi, espace-temps dans les bacs. Exactement, exactement. Et que tu iras chercher, parce que je vais te l'apporter. Enfin, je vais te l'écouter demain, comme ça tu vas l'écouter tout le week-end et ça va te pousser à en acheter 3. Non, c'est pas ça. Oh, bah, minimum. T'as compris. Le mieux, voilà, les gars, ce serait d'envoyer Romano qui est là, il en a acheté une petite dizaine. Oui, voilà, c'est pas mal. Romano, maintenant, c'est devenu une star du rap, tu vois. Il est dans la concurrence. Il se dit non, mais moi, je vais pas lui acheter parce que ça va faire de l'ombre à mon single, etc. Tu connais. Non, mais kidnappez-le et amenez-le avec des gardes du corps là-bas. Forcez-le. Vous avez ça dans le Tibet. On a des gardes du corps. Ouais, tu m'étonnes. On a même des potes qui font double fonction. Ils sont potes et gardes du corps. Ouais, il y a quelques bonhommes, ouais, j'ai vu là, dans Fight Rap. Tiens, en parlant de potes aussi, ça là, ça vous dit quelque chose? C'est Black M qui va débarquer avec nous ce soir avec une surprise. Restez bien dans le coin. Black M avec une belle surprise ce soir à retrouver dans la radio libre. Donc il sera avec nous d'ici quelques minutes. Donc restez bien dans le coin. Si vous voulez pas la Black M, d'ailleurs, vous pouvez laisser vos messages. Ah bah oui, il est pas loin. Il est dans le tuyau Planet Rap. Oui, j'ai croisé. Je pense qu'il va pas avoir trop d'embouteillage pour arriver jusqu'ici. Croisé dans les couloirs. Tiens, je vais vous parler à Black M. Nous dit Dylan, je l'adore. Bah vous laissez vos messages sur le 41 759. C'est quoi le morceau que tu préfères de Black M? C'est toujours difficile à dire à Maska, ça, mais le morceau que tu préfères, le morceau, moi j'aimais beaucoup C'est tout moi. J'aime beaucoup Sur ma route. Bah ouais, nous aussi. Et on aime bien Solitaire aussi. Ouais. Solitaire. Il y en a énormément. Ouais, il y en a plein. C'est mon top 3, c'est ça en fait. Voilà la section. Et on te souhaite autant de succès qu'à Black M dès lundi dans les bacs. Et demain soir dans Planet Rap sur Skyrock. C'est à pas louper. Non, on a plein d'exclusivités encore. Je vais vous lancer plein de trucs, un live de malade. Restez branchés. Bon bah nous de toute façon on va se brancher sur Skyrock tout le temps. Tout le temps. Yes. Et demain 20h-21h on sera là. Okay. Merci Maska. Merci à vous les gars. Bisous Maska. Et dans un instant Black M débarque. Yes. Vous pouvez débarquer dès maintenant aussi au 01 53 40 30 20, sur SMS 41 759, le skyrock.fm. On vous attend. L'appli Skyrock, vous pouvez faire péter aussi. Allez-y, faites péter l'appli Skyrock. Et Fredo, rendez-vous demain 20h-21h. Gros bisous Fridou. Bisous à toute l'équipe. Enfin à Marie plutôt. Ouais, gros bisous mon frère. On n'a pas le droit à un bisou nous. Non, c'est juste pour moi. Difoul éventuellement. Mais par contre pour Cédric et Romano, Je passe Samy, allez, un petit check avec Samy. Ah putain, Paris-Marseille, la connexion ce soir. Eh bien, bon, faites péter l'hashtag Black M sur Skyrock ou Black M chez Difoul, comme vous voulez. Allez, on fait Black M sur Skyrock. Vous y allez. C'est parti dans un instant. Black M, la radio libre, toute l'équipe. Et Sopra, tu as quitté avec nous hier soir. On l'a eu sur la route justement, Sopra. Exact, ouais, il sortait du concert de Bordeaux. Il était dans sa maison qui roule. Entre Bordeaux et Toulon. On va recommencer avec Soprano là. C'est Cosmopolitani. Salut Fredo, à demain. Salut Maska. Ciao.